Aujourd'hui c'est un jour de fête. Allez. Ça fait 10 ans que t'es parti. Bueno. Au début c'était difficile, mais maintenant tout a changé. Allez. Alors, comment vas-tu ma belle? Depuis le temps que l'on s'est vu, je t'ai rapporté quelques fleurs pour aller dans ton intérieur. Ce sont de belles chrysanthèmes pour te dire combien je t'aime. Ce ne sont que des pensées pour toi. Ce ne sont que des pensées pour moi. No lo eres amigo, no lo eres amigo, es tan triste. No lo eres amigo, la verá en el cielo. No lo eres amigo, no lo eres amigo, es tan triste. No lo eres amigo, la verá en el cielo. Tiens, tu connais pas la dernière. Je me suis mis avec ta cousine. Au début c'était difficile, maintenant ça va beaucoup mieux. Allez. Alors, me croiras-tu ma belle, si je te dis que c'est un phénomène? Allez. C'est vrai qu'elle te ressemble un peu, elle a tes yeux et tes cheveux. Je me souviens déjà petit, on vous prenait pour de frangines. Allez. C'est pas tout ça mon Aglantine, mais faut que je m'en aille, je reviendrai. No lo eres amigo, no lo eres amigo, es tan triste. No lo eres amigo, la verá en el cielo. No lo eres amigo, no lo eres amigo, es tan triste. No lo eres amigo, la verá